Radio Campus, il est 20h. Ouais. Alors, mets-toi plus près de ton micro, je crois. Plus de bêtises. Absolument, cher ami, qui n'est plus en danger d'attraper le Covid. Exactement. C'est Pyongyang, City Rockers. On en est au numéro 344. Il fait une chaleur de bête. Heureusement, on a mis la clim. Et c'est un studio moderne, il y a la clim. Ouais. Et ce soir, pour vous accompagner, Jamie, en face de moi, au micro 6. Célia, au micro table, vu que c'est elle qui fait les boutons ce soir. On essaye. C'est bon, là. Depuis le début, c'est toi qui as tout fait. Et puis, il y a Misote au micro 2, comme ça vous saurez tout. Stéphane. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que j'ai préparé. La dernière sortie de Mitraille, c'est sorti là il y a quelques jours sur Belly Button Records. C'est mon premier groupe belge de la soirée. Mitraille, c'est des Anversois, je crois, et ils font une espèce de garage rock machin. Et tiens, Célia, s'il te plaît, tu peux me dire le titre parce que là, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mon fichier. C'est Good Morning Champ. Voilà, c'est pour vous dire, parce que demain, il va falloir se lever et être en pleine forme, les champions, pour aller bosser pour le patron, en attendant que ce soit les faf au pouvoir. Ou pas, on sait jamais, le pire n'est jamais sûr. Good Morning c'est Champ pas. Par Mitraille. Cycles in my mind. bonsoir, comment allez-vous? C'est Pyongyang Stereo Cœurs, numéro 344 sur Campus 106,6. Youhou! On m'a vu que t'as mis un groupe belge, moi aussi. Ouais, allez, vas-y, je t'en prie. Je vais mettre un morceau de Pédigré, c'est un des nombreux groupes de la scène tournaisienne. Oui. Ils sont déjà passés d'ailleurs ici faire la promo de leur dernière LP qui s'appelle Runaway. Et ils sont samedi au concert Trempé avec Vision 3D, un autre groupe tournaisien. C'est des concerts sur la 2, la Bois Blanc. C'est organisé par des copains. Tu peux prendre une barque pour aller voir la scène flottante, mais aussi tu peux voir les concerts gratuitement depuis le quai. Soit tu regardes depuis le quai, mais c'est un peu loin. C'est ça. Voilà, mais t'as quand même le son. Plus ou moins, ou alors tu loues une barque. C'est 30 balles pour 4 personnes. Ou 4 personnes, enfin on peut mettre un enfant en plus, je crois. C'est 4 adultes et un enfant. En vrai, c'est cool. Et on peut teaser sur la barque. C'est ça, voilà. Tu peux aller au bar barque. Je sais pas s'il s'appelle comme ça, ils font des petits cocktails. Tu mets tes bouteilles dans l'eau, tu sais, avec une ficelle. Comme ça, elle reste bien fraîche. Ah, une beau riche. Bien. Youpi. Concert Trempé. Et puis le dimanche, il y a un truc surf. C'est Beach Monster, je crois. Beach et Monster, l'autre groupe, je ne me rappelle plus. On va le retrouver. Hein. C'est ça. Je vais aller voir jour, sur Choc. donc tout de suite, Same Blame de Pédigré. Alors, Et oui, tout ça. Ouais. Beaucoup de garage ce soir. Hein. Ben, moi, je continue. C'est pas du garage, c'est du hardcore punk à la mode béthunoise. C'est Sobriété Subie, un groupe de la fine équipe Conjonctivite Assaut, là. Vous savez, Alexandre Mal aux yeux, là, et tout ça. Puis je crois qu'il y a au moins un autre type de mal aux yeux dedans. Mais bon, je sais plus. Puis je me suis pas renseigné. C'est, c'est Pyongyang, ça, Alex. Donc, ouais, voilà, ce titre est sorti en début de mois. En début du mois, mais quel mois? Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai écrit ce truc. Donc, on va dire que c'était peut-être au début du mois de juin, quand même. Ouais, voilà. Mai ou peut-être juin au maximum. Non, moi, c'était juin, je crois. Et donc, voici Sobriété Subie qui nous parle de cette institution que le monde entier nous envie et qui fait tellement plaisir à tous les Français dans le besoin. France Travail par Sobriété Subie. Ce qui est bien quand on fait de la radio depuis un moment, c'est qu'on arrive à savoir à peu près quand ça finit, alors qu'on n'a même pas de montre sous la main. Ouais. Voilà. Alors des fois on se plante. Hein. C'est pour ça que des fois il est blanc à l'antenne. qui est 5 morceaux à la suite. Ouais, sinon 3. 3 fois le même à la suite. Ah oh, oui, c'est pas vrai mal. Qu'on l'a déjà fait. Ça, c'était cette année. Ouais, c'était bien. Mais bref, voilà. Sobriété subie, vous pouvez trouver ce... leur démo... je crois que c'est un 5 titres sur un Bandcamp. Un banc de camp. Bancan. Pas comme Sobriété subie. Ouais, les campings des groupes, c'est ça. Ah, ouais, le truc là-bas. Ouais. Je sais pas ce que tu dis, Jamo, mais tu le dis. Et vous, qu'est-ce que vous nous annoncez, Madame Célia? Moi, je vais vous passer Calcine. C'est un groupe de hardcore parisien qui a été formé pendant des confinements en 2021. Ouais, il y a des membres de Montagne et de Backbone. Ils ont sorti une première démo en avril 2022 et leur premier LP, Come On Love, Come On Nausea, est sorti ce mois-ci sur le label Church Road Records. Leur texte met en avant l'oppression sociale, les violences policières, le racisme systémique, les VSS et la libération animale. Encore des gauchistes ? Oh bah, en même temps. À ce propos, votez bien dimanche. On est d'accord. Une piqûre de rappel. Ouais. Donc tout de suite, Autopsie de Calcine. Yeah. Tu t'appelles d'abord. C'est bien, Calcine. Et franchement, en concert, ça a recommandé. Hein, carrément. On les avait vus, je crois, à l'été 2022. Ouais, ça fait déjà 2 ans à Marly. Ils étaient passés chez Oscar, là, dans un concert gratos en plein air, là, où il y avait tous des groupes de hardcore et tout le bordel. Et franchement, Calcine, ça te décalquait la tronche. Ouais. Et là, ils sont passés à Bourron, c'était bien aussi, pas ? C'était trop bien. Ouais. Ah, voilà. Youpi. Continuez d'aller les voir. Ouais, faut continuer, mais c'est des barrières, hein, bon, qu'est-ce que tu veux. Et bah du coup, ouais, je t'ai pas dit ce que je voulais passer. Non. Eh ben... Si tu m'as dit que c'était des Belges, mais... Non, pas des Belges. Rage des Jeunes. Oui. Et de quoi il parle? Oui, ça aussi, c'est un truc qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Je ne m'avancerai pas sur la date, parce que je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas noté. Et puis que ça fait quand même un moment qu'il traîne aussi, là, avec nos invités et tout ça, qui n'arrivent jamais à l'heure. Bonjour Jeanne, bonjour Malvina. Bref, ah oui, voilà. La cuillère en argent bien calée dans le bec depuis leur plus tendre enfance, les ordures bourgeoises se font payer depuis toujours le fait que tu sois né quelques crans en dessous d'eux dans l'échelle sociale. C'est eux qui mettent le monde à sac, c'est eux qui détruisent tout pour leur profit, eux qui montent les gens les uns contre les autres. Ici, comme partout, l'ennemi arrive toujours en limousine ou en avion d'affaires, pas sur des radeaux pourris. C'est Rage Decision du sud de l'Angleterre, là. Ils nous font Silver Spoon Scum. C'est bien. Hein. C'est sorti sur une compilation. Ouais, j'ai oublié de dire encore un truc que j'ai trouvé sur Bandcamp. C'est sorti sur une compile pour le 25e anniversaire d'un skatepark, je sais pas où dans leur coin. Là. Mais il y a un peu de tout. Il y a même Bad Religion dessus. Ah ouais. Bah voilà. Et puis d'autres trucs connus, mais je me souviens plus là comme ça. Et j'ai la flemme. Et donc à vous les studios. Jamo, tu veux passer ton truc maintenant ou après? Ouais, bah non, il y a 23. Ouais, vas-y, 23, ouais, c'est peut-être pas improvisé. Parce qu'il voulait passer à 30 piles, hein, sinon ça va pas. Bah non, ouais, mais. Ouais. Ça va. Allez, on va se formaliser. Ouais. Non, jamais. Jamais, non. Alors moi, je voulais passer en 16h100 un titre de Supreme NTM. Plus jamais ça, c'est sorti en 95. Et je trouve que le texte est plutôt percutant. Et ouais, ça dénonce bien. Et donc, faudrait l'écouter. Quoi, toi aussi, t'es un gauchiste ? Ouais, of course. Merde. Donc, on va l'écouter sur 106,6 FM. Pyongyang City Rockers. Pyongyang City Rockers. Et bonsoir, Gaël. Bonsoir, Gaël. Ça démarre ? Mais on est tous pas de ce retour au même schéma. Ouais, non plus jamais ça, seulement voilà là. Il semblerait que des cadavres décaractérisés soient relevés dans l'entaprovéca avec facilité. Les erreurs du passé peuvent se renouveler. Faire l'affaire des supporters, de la proie de fer le bras tendu en l'air, le sigle rebelle en bannière. Bon bang, main shoot, moi ça double R. Avec plaisir, je les shoot dans la tête, mais ma terre. National et ce front, international et l'affront. Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils quand le drop sénile s'amuse à faire un score de 25 dans ma ville, plus jamais ça stoppe en tout, ça stoppe en les morales. J'ai cérébral et l'embolie, vous avez compris. Vous avez saisi, ressaisi, c'est vous. La jeunesse doit d'être à l'heure, au rendez-vous. Fixé, en effet, pour pisser sur la femme tricolore. Le but des tentats du parti des pommes. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir morts. Je rêve parfois de les voir en victime martyr dans un film gore. Oui, oui, vous avez compris qui je suis. Je combats ceux dérangés par les odeurs et les bruits, car on est tous au-delà de ce retour au même schéma auquel on avait déjà répondu plus jamais ça. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais aussi de toi. Faut que rester sans voix. Pendant que c'est pourri, ça fait continuellement le droit de tenter. Ouais, de marcher de loin. Ouais, la fois puis la fois. Ouais, par la suite de loin. Ouais, puis d'essayer. Ouais, de t'amputer certains éléments de notre passé. Alors ne laissons pas le temps. Non, prendre les devants. Non, ne laissons pas le temps. Non, allez en refermant toutes les blessures de ce cas de figure qui n'en avait pas simplement l'allure, mais qui fut l'approcher d'une idéologie de mort. De mort. Que fut l'épuration ultra épée là. Les conquêtes et les colonies, on a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibré mental? Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal, et ce depuis la déconvenue de la guerre d'Al. Chéri qui n'a pas digéré, mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Et on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mathématiquement c'était sûr, ce passé chargé n'a jamais ce qui est plus sûr. Pour le futur, c'est qu'on aura droit à ce même climat, à ce même climat, à ce même climat. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. On est bon, bah ouais, on est bon, t'as vu ça? Eh, là, une toquante dans la tête, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais, bon. C'est alors, t'avais à désannoncer, il paraît. Ouais, alors que toutes les générations soient à l'heure et au rendez-vous pour bien voter. Oula, putain, ah ouais. Ouais. Et on surtout est... pas la flamme. Non, surtout pas. Voilà, c'est tout. Eh ben c'est tout, et vous écoutez Pyongyang City Rockers. Il est presque 20h30, tu vois, donc t'étais quasiment dans les temps, mais sur la fin de ton morceau. Et pas au début. Avant d'enchaîner sur encore de la propagande en faveur des élections, vu que nous on est des salauds des sociodémocrates, je passe mon deuxième groupe belge de la soirée, Salles Belges. C'est le nom du groupe, hein, les Salles Belges, ouais, voilà. D'où ils viennent, c'est une connexion entre Liège et Tongres. Donc il y a à la fois des francophones et des néerlandophones, mais il y a quand même assez de liégeois dans le groupe pour qu'ils s'autorisent à se présenter comme Tox City Hardcore. Donc liégeois, ouais, c'est ça, exactement. Puis bah voilà, c'est sorti il y a pas fort longtemps, c'est des gros vilains, et on les écoute tout de suite avec leur gros hardcore qui fait peur à aimer dans Rats and Snakes, Salles Belges. Oh! Ouais, c'est des gros viens. Et du coup, au moment même où on parle de gendarmes, c'est bizarre quand c'est même. Donc voilà, c'est oui, hein, c'est bagarre, c'est le genre de choses. Ils seront pas au Hyperfest, mais c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut voir. Au Hyperfest, c'est dans 10 jours. Bah ouais, 10 jours. Bon, c'est ça. Comme quoi. Youpi. Pour un coup, je vais y aller le dimanche. On va rire. Ça va faire des moulines avec ses poings. Tu passes un truc ou bien moi ? Bah vas-y, je passe un truc. Je vais passer Frenzy. C'est un trio punk hardcore grec, mais ils sont originaires de Melbourne. Il me semble que c'est trois frères et sœurs. Bah, en fait, ils sont nés à Melbourne, mais ils vivent en Grèce depuis. Okay. C'est trois frères et sœurs, je crois. C'est peut-être des Grecs parce qu'il y a eu pas mal d'émigration grecque en Australie au XXe siècle, et après, il y en a peut-être qui sont retournés, parce qu'il fait chaud. Hein. Il fait moins chaud en Grèce. Ouais, je suis pas sûre. donc, ils ont sorti un premier EP éponyme en 2022. Et depuis, il y a deux titres qui sont sortis pour peut-être annoncer un prochain album qu'on peut écouter sur Bandcamp. Et, ouais, c'est ça, encore. J'ai choisi le morceau Infection qui est sorti en 2023 et il me fait un peu penser à Opération Eat Cheat. Oh ouais. Ouais, un peu. Bonsoir madame. C'est ça, tout de suite Infection. Pour certains. Voilà, cette douce voix que vous avez peut-être entendue alors que finissait Frenzy. C'est Fish, monsieur Poisson, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien. Et puisqu'on profite de la présence de ta superbe chemise hawaïenne dans les studios pour te permettre de présenter ton émission. Ah, tu veux ? Bah ouais, allez, putain, on va faire un peu de pub pour une émission de Campus, qu'elle est bien. Bah, ok, d'accord, alors une émission radiophonique sur Radio Campus, avec de la musique dedans, mais pas que, voilà, avec des thématiques débiles généralement, et puis plein de morceaux dedans. Passes quoi comme style de truc, du punk rock et du hardcore, quoi, enfin, je veux dire. Parfois. Et pas que, pas que. Là, je viens de finir une. Non, je vais continuer. Toute une session sur Johnny, en fait. Oh. Mais pas Johnny, notre Johnny national. Voilà, tous les Johnny possibles et imaginables. Ouais. Et donc, ça fait 3 émissions que je passe que du Johnny. Alors, Johnny Cash, Johnny Beaver, Johnny Bletcher, Johnny Bucket, Johnny Taylor, Johnny... Il n'y a pas Johnny Burnett aussi ? Johnny Burnett, bah oui, voilà, il y en a plein. Voilà. Johnny Nash, Johnny Moore, Johnny Williams, Johnny... Enfin, voilà. Et je m'éclate à passer du Johnny. Voilà, ça fait 3 émissions. Et donc, plein de styles différents. Alors, ça peut être popcorn, soul, funk, rock, rockabilly, funk, jazz, etc. Voilà. Et voilà. On a complètement oublié de dire le nom de ton émission, donc tu vas le lire maintenant. Mais je suis au régime. C'est de la mayonnaise bio dans les oreilles. C'est important. Sinon, ça fait grossir. Et on le retrouve à quelle heure C'est les mardis, presque. Normalement. Si tout va bien, c'est les mardis de 21 à 22h. Et donc là, tu continues pendant les vacances, pendant que tout le monde part se bronzer à Ibiza ? Là, j'ai enregistré une émission là, pour la semaine prochaine. Une émission sur Paris. Ouais, parce que je passe de Johnny à Paris. Radio Paris-Mont. Voilà, Radio en fait, je peux faire le pont. Parce que dans Johnny, il y a Joe. On est d'accord. Ouais, c'est JO. JO, c'est Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, Paris, voilà, voilà. Ah, il y a de la réflexion. Rien n'est gratuit. On n'a pas autant de réflexion dans notre. Je te confirme qu'à Radio Campus, rien n'est gratuit. D'ailleurs, tu me dois 50 balles voilà. pour cette publicité. La semaine prochaine, ça sera une émission sur Paris, mais effectivement, avec plein de morceaux qui traitent de Paris, mais qui traitent plutôt mal. Paris. Ouais. Paris sous les bombes. Il y a Paris est une putain. Il y a plein de morceaux comme ça, des gens qui couleur disent. Sur Paris. Ouais. Au Berkamp. Couleur sur Paris. Couleur sur Paris. Voilà, il y en a plein comme ça, ouais. Voilà, Paris est. Bon. Moi, j'irai pas en tout cas. Je sais pas ce que vous avez prévu pour votre été. Moi, j'ai acheté toutes les places disponibles. Parce que tu vas voir l'escrime. Je ne veux rien. Non, je ne veux rien rater. C'est l'aventure de ma vie. Après ça, j'irai sur une île déserte. Parce que voilà. Donc, on retrouve la mayonnaise dans les oreilles mardi prochain. Oui. Oui, et puis les mardis suivants, et puis les années, puis les décennies. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, presque. Et n'oublie pas, dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dimanche, il faut se lever. et te bousculer. Il faut lever son cul, il faut lever son poing, et puis faut aller voter. Il est bien. Attends, cette radio est un véritable repère de gauchistes. De gauche. Oui. En plus. Oui, des gauchistes de gauche qui ont tendance à cuisiner avec des wok. Espèce de wokiste. Des wok avec un E à la fin. Ouais. Ouais, on est bien d'accord. C'est insupportable. Du coup quoi ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais passer ? Voilà. Donc je vais faire mon baratin. Et donc là, on part dans un coin où il n'y a pas trop de gauchistes. Hein, c'est Leamington Spa, tu connais ? Non. C'est une riante et royale ville balnéaire du centre de l'Angleterre. Enfin, une ville d'une ville d'eau, tu sais. Hein, oui. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Spa à la fin. Et donc, c'est au sud-ouest de Birmingham, en fait. Okay. Et dans les années 80, il y avait là-bas une flopée de groupes hardcore et punk. Alors plein, il y en avait plein. Hein. J'en cite quelques-uns, Depraved, Visions of Change, t'as peut-être déjà entendu parler, non ? Et puis, celle qui m'amène ce soir, Joyce McKinney Experience, avec son duo de voix féminine absolument imparable, de Joyce McKinney Experience. Alors maintenant, je vais dire JME en abrégé, hein, parce que c'est un peu compliqué. Ne pas confondre JME avec JMKE, qui est un groupe estonien. Et donc JME, il ne reste pas grand-chose d'elle et eux, à part un album sorti en 88, fabuleux, car tout y est bon. Il n'y a rien à jeter, comme chez elle. Et puis sinon, il y a deux EP qui sont sortis en 87-90, et puis une Pill Session, forcément, qui traîne dans les recoins, non pas de Bandcamp, mais de YouTube. Et puis j'ai trouvé le jour une petite captation vidéo en live à Leeds en novembre 88, qui a été sauvée et uploadée sur YouTube par des anonymes, mais néanmoins héroïques. Jean. C'est une vidéo qui date de 88. Donc, je dis, c'est quoi le bled ? Leamington Spa. Leamington. Bon, voilà. voilà, de leur album au texte marqué à la fois. Je lis le texte de ce qui vient d'être écrit par quelqu'un de vachement bien, c'est moi. De leur album au texte marqué à la fois par une conscience sociale aiguë et une conscience écologique, qu'on pourrait dire aujourd'hui en avance sur son temps, avec des guillemets. Visionnaire, exactement. J'extrais Tanfastic, où ça se moque des vacanciers avides de soleil qui font la crêpe non-stop sur les plages suffocantes de pays imbéciles où jamais il ne pleut. Hein? Voilà. Et en plus, ils payent pour avoir ce plaisir à la con, parce que maintenant les plages, elles sont payantes. Hein. Même à Ibiza, c'est dégueulasse. Et donc, à noter pour les érudits de la scène locale et régionale que JME ont fait 2 concerts dans le coin, en Belgique bien sûr, et les 2 concerts ont eu lieu le même soir. 2 concerts le même soir, à 2 endroits différents. J'explique que d'abord, il y avait celui qui était booké à Brascat, à côté de Anvers. Et puis, comme Alstom Network, il y avait les Américains de Fang qui avaient déclaré forfait, un petit coup de fil. Et puis, il et elles ont couvert les 75 bornes, quand même, qui séparaient les 2 salles, pour aller faire le 2e concert impromptu. Et c'est quand même beau, le rock'n'roll. L'appel du fric, en fait. Ouais, c'est ça, là, pas de l'argent. Alors, moi, j'y étais pas. Hein, je pleure, parce que j'aurais pu, en plus, à l'époque. Bon, en tout cas, Skip, le concert Hall, c'était bien, voire même excellent. On peut en trouver une petite recension sur l'excellent site web qui est fait par Brob, là, tu sais, des concerts des années 90. Je vous dirai l'adresse une autre fois. Pour l'instant, voici Joyce McKinney Experience avec Tanfastic. Ah, là, excusez-moi, j'étais pas au micro, j'étais en train de faire de la brocante. Hein, dans les vieux casiers de Radio Campus, on y trouve des antiquités qui datent de 2009, 2007, 2011. C'est beau. Oh. Ouais, on garde tout ici. Ils ne jettent rien, comme la Cagivo. Ça va? Bah, allez, vas-y, passe quelque chose. Là. Il est 20h47. Bon, ça va, on a le temps. Ouais. moi, je vais vous passer Octopulp. C'est un one-man band qui est né à Séoul, mais le gars du one-man band vient de l'Est de la France. Il fait un mélange de madcore et de punk hardcore. Il faut le voir en live pour comprendre toute l'étendue de ses capacités. Il joue de la batterie, il chante et en même temps, il contrôle d'autres instruments, les lumières et la projection de vidéo grâce à des capteurs qu'il y a sur sa batterie. Voilà. Et c'est assez impressionnant. On va dire que c'est une espèce d'Igor, mais pas chiant. C'est ça. Bon, je connais pas trop Igor. Mais... Ouais, c'est bien Igor, mais bon, j'ai entendu dire que en concert. Bon, bah, allez, Octopulp. Du coup, c'est top. Et il passe à Moucron. À la faune. À la faune, à Moucron, au Risquons-Tout en goguette, ce dimanche. Ouais. Je sais plus à quelle heure, mais il passe dimanche. Il passe en dernier, je crois. Donc, ça sera vers genre 22 ou 23 heures, un truc ça comme marche. Ça. Ça marche. Mais après, il y a des trucs. Enfin, avant, il y a des trucs. Hein, il y a des trucs sur Risquons-Tout sur 3 jours, hein, de vendredi, samedi, dimanche. À la faune, 100 bis rue de Neuville, à Moucron. Je connais pas l'adresse. De mémoire. Donc du coup, j'ai choisi deux morceaux, Nervous Breakdown et Scat Time. Et les deux morceaux, ils viennent du LP Alt 164. Et du coup, j'ai tapé ça dans mon clavier pour savoir ce que c'était. Mmh. Et c'est le N avec la petite vague au-dessus. Ah, que, d'accord. Qu'ils utilisent mieux, sur... mieux. C'est ça. donc tout de suite, Octopulp. Voilà, Octopoulpe, bon, maintenant, fini la musique de Sauvage, enfin de la musique de propagande telle qu'on l'entend ici à Radio Campus dans l'émission Pyongyang City Rockers, c'est notre numéro 344, et maintenant voici Bresson qui s'avance avec Front Populaire, et oui, youpi. Tomber le tracteur, ce soir on met le turbo. Rendre la ZAD d'Anisette, y'aura que des héros. Arrêt à la buvette, faut prendre des forces frérot. Car ce soir en C15, on traque le facho. C'est 15 premières, on est déjà 10 à l'arrière. Brouillé de me vider ces bières. Un peu d'essence, un mouchoir, ça va être super. Une cuisse sur la permanence RN, je balance un pavé sur les flics à l'ancienne. Incendie volontaire dans les réserves de la Banque de France. Bleu bourgeois qui paniquait délivrance. France C15 à la capitale, la bourgeoisie capitule. Rouillé de me vider ses bières, un peu d'essence, un mouchoir, ça va être super. guillotine à l'arrière. Fini la courtoisie, bonjour Robespierre. Cuby en feu sur l'Elysée. Les droitos sont pulvérisés. Fini le baratin, anarchie partout, on est enfin bien. Une race à Danisette, faut pas être mesquin. Ben voilà, c'était Bresson avec Front Populaire pour vous dire que hein, il faut bien voter. Et puis ouais, là, normalement, en fond sonore, il doit y avoir Gary Floyd que j'avais promis de passer parce qu'il faisait du blues aussi, mais je repasserai une autre fois. Pour l'instant, il est 20h59 et bien tard. Et donc, on a juste le temps de dire au revoir à la semaine prochaine. C'était Pyongyang Tiro Cars numéro 344. Et puis, on n'oublie pas. À cab. Bah ouais. Et on n'oublie surtout pas d'aller voter dimanche et de bien voter dimanche. Absolument. Oh, pas des cons.